Je m'appelle Bambou, on m'invite dans ce bateau. Je t'ai un petit bout, comme disait mamie. Là, je finis sur les flots, perdu dans le noir. Elle m'a dit, ils ont tous peur du noir. Celle qui m'a payé ce voyage dans la cale, il s'accaille entre ce mouvement infini et toutes ces odeurs immondes. À 6 ans, c'est normal, je chiale. Dans ce port qui n'est pas de plaisance, la plaque tournante de la drogue, petit, je sais pas où je suis, abandonné au gré du vent. Pour mon bien ou pour mon mal, on me vit dans la cale. Ici, on a tous faim, on a tous peur. Ici, notre vie reste ailleurs. On fait partir chercher les meilleurs. Ici, c'est Harlem, je connais New York et le ghetto. L'adolescence à l'école, tous les jours en ordre de colle. Non, c'était putain de sale école. Je suis un black, alors tout le monde a peur. Je finis entre les mains de Kaïd. Tu veux des dollars, le risque c'est de finir un tonard. Dans le couloir de la mort, j'y ai tué. La seule façon de gagner son loyer. On me propose des derniers coups en or. Braquer une bûche de riz, ne plus bosser jusqu'à la fin de la vie. Je repense à mamie, pour toi je reviendrai avec le meilleur. Au moment d'attaquer, on veut pas se louper. On croise le KKK armé. Il tire une rafale de PM qui finit derrière la BR. Il va dans la domaine, j'entends la sirène. J'ai besoin d'aide, mamie, j'arrive bientôt, on aura un château. Mon corps tremble, le jour s'assombrit. Une clarté me brouille, oui, je sens que c'est fini. Ma vie se détruit petit à petit. Adieu, mamie. Pour mon bien ou pour mon mal, on vit dans la cale. Ici on a tous faim, on a tous peur. Dans le cœur notre vie reste d'ailleurs. On m'a fait partir chercher le meilleur. Tu veux des dollars, tu veux des dollars, tu veux des dollars. Là-bas on tient tous peur du noir. La belle vie pour ma famille s'est envolée vers l'infini. Désolé mamie. J'ai tout fait pour y arriver. Adieu mamie, adieu mamie, adieu mamie. Tous peur du noir, peur du noir. Tous peur du noir, peur du noir. Tu veux des dollars, tu veux des dollars, tu veux des dollars. Ici on a tous peur, on a tous peur, on a tous peur. Tout fait pour y arriver, pour y arriver, pour y arriver. One day, down in Alabama.